FrenchPod.com. À quoi veux-tu jouer ? Aux machines à sous, aux cartes, aux dés, à la roulette ? À la roulette ! Ne sois pas si excité. C'est la première fois que je me rends au casino. Dans quelques heures, je serai peut-être riche. On verra. 10 minutes plus tard... Je ne comprends pas. J'avais regardé plusieurs émissions, été analysé le jeu et les gestes du croupier. Tu es tombé dans le panneau. Je t'avais prévenu, c'est un jeu de hasard. Laisse-moi mettre en gage ton collier. Tu as déjà tout misé ? Ça part vite. Oh, le collier de mon arrière-grand-mère. Tu as perdu la raison. Je ne veux pas voir ça. Je vais faire un tour. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 14 rouges, paire et manque. Non ! Alors ? Écoute mon ange, ton collier était faux. Mais le casino m'a quand même prêté un peu d'argent. Alors ? Je viens de tout perdre. Mais tout est arrangé. Il suffit que tu restes quelques jours ici et tout est oublié. Oh, monstre, goujat, esclavagiste. Je reviens te chercher la semaine prochaine. Je t'aime mon cœur. Tu es la meilleure.